Bonjour, bonjour à tous. Et aujourd'hui, en cette journée de la femme, nous avons trois entrepreneurs. On dit entrepreneurs ? Entrepreneurs, femmes. Hein. Ah oui, bon. Donc, nous allons parler apéro entrepreneur. Hein, vous êtes sur Carpentras, dans le Comtat, et tous les premiers jeudis du mois, vous organisez un apéro entrepreneur. Donc, je vais dire ce qu'il y a à gagner, parce qu'on a des jeux. Et après, on fait une pause et après, on repartira avec vous. Voilà, donc nous avons 4 repas à gagner au break, au Ponté, c'est zone industrielle ou le Tronquet. Et si vous voulez gagner, vous pouvez donner votre nom et votre numéro de téléphone sur notre page Facebook. Ou alors, vous téléphonez on a un répondeur maintenant, c'est tout nouveau, au 04 88 50 18 21. 04 88 50 18 21 ou sur notre page Facebook. Voilà, on va faire une petite pause parce que dorénavant on fait comme ça. Gilles, j'avais oublié de te le dire. Et après nous reprenons avec ces dames. À tout à l'heure. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And now it's alright, it's okay, you may look the other way, but we can try to understand the New York Times effect on me. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel this city breaking and everybody shaking and we're staying alive, staying alive. On my shoes, I'm a dancing man, and I just can't lose. You know it's alright, yeah, it's okay, yeah. I live to see another day. We can try, yeah, to understand, yeah. The New York Times effect on me. Avec nos trois drôles de dames, Jeannette, Céline et Pauline. Dites-moi, mesdames, vous avez fait cette entre guillemets association, on va dire, peut-être, ou réunion entre femmes. Regroupement, oui. Apéro entrepreneur, vous ne faites pas que boire, je pense, il y a autre chose. Et enfin, justement, avec modération. Avec modération. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a donné cette idée depuis quand vous existez ? Alors, dans un premier temps, merci à Fly FM de nous recevoir. C'est avec plaisir. Merci. Ça nous fait plaisir parce que c'est pas une association, c'est un réseau. Qu'on très peu connu par les Vauclusiens, mais cependant connu au niveau mondial. Parce que c'est un événement mondial. qui s'appelle Drink Entrepreneur. Ah, ça existe partout. Oui, oui. Dans les grandes villes principalement. On a Milan, Paris, New York. Londres, sûrement. Londres, Avignon. Ah mais oui, Avignon, la capitale. Et maintenant, Carpentras. Ouais. Capitale du comptable venaissant, il faut quand même le souligner. Ah oui. Et si je suis entrepreneur et je veux rentrer au sein de ce réseau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, j'aimerais avant, oui, vas-y, répondre vas-y. À cette question, vous faire un peu l'origine de l'apéro entrepreneur. Oui, c'est, on était parti sur toujours, ça. Il faut, faire, là, oui, faut commencer par l'origine. Alors, d'abord, je me présente, donc Jeannette Riaillé de l'entreprise Janet & Co, qui est une entreprise de conciergerie privée basée sur Bedouin, spécialisée en maisons secondaires. Donc, je m'adresse essentiellement aux propriétaires de maisons secondaires. Et quand j'ai créé mon entreprise, il y a plus de 3 ans maintenant, donc je rentre à ma 4e année, on se retrouve un peu seul, donc hormis toutes les pépinières d'entreprises qui existent, les conseillers, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Donc on a discuté en se rencontrant avec d'autres entreprises, de se dire, ben, est-ce qu'il serait possible de se voir en dehors des journées dites d'horaires de bureau et en discuter. Et on a rencontré une fameuse Agnès qui, on pense à elle, là, qui nous qui écoute. Qui n'est pas et là, qui a l'angine, oui. On, voilà. Agnès, je pense qu'elle nous, elle a dit qu'elle va nous écouter. Elle nous écoute. Coucou Agnès. Coucou Agnès. Et un certain Didier Hernandez, qui était un ancien président d'une pépinière d'entreprise. Et ça s'est créé comme ça, en discutant, en échangeant. Et maintenant, ça existe depuis 3 ans. Et on savait que ça existait sur Avignon. Il y a un an avant que nous, on commence à le faire. En 2013, Avignon. Mmh. 2013 sur Avignon. Ça, c'est Pauline qui parle. On a obligé de oui. présenter Pauline. Oui, Pauline qui a rejoint le regroupement il y a 2 ans, le jour où on... La période en 2015 où j'ai créé ma société avec mon associé qui est pas là aujourd'hui, Johanna. Donc on a créé une société en soutien aux entreprises, soutien rédactionnel, traduction, accompagnement sur les réseaux sociaux. Et dans l'importation, on est spécialisé dans les objets publicitaires et en décoration événementielle. Et vous êtes basé où? Et on est basé à Carpentras. D'accord. Dans la pépinière d'entreprise. Et après, il y a Céline. Céline, oui. Céline. Et Céline, la petite dernière, qui a rejoint le réseau il y a la petite jeune. Et voilà, avec qui il a rejoint avec grand plaisir d'ailleurs. Donc moi, je suis vigneronne à Violès sur 2 appellations, Côte-du-Rhône et Plan de Dieu. Domaine des Favards. Domaine des Favards, oui, exact. Merci Jeannette. Donc, sur 3 dames, sont au sein de ce réseau. Mmh. Hein. Depuis 3 ans à peu près, hein, c'est ça. Vous êtes. Il y a 2 personnes. Nous avons fêté nos 3 ans. Je les valide. Il y a 2 personnes de plus. Oui. Et donc on continue parce qu'on en était justement sur la création. Vous avez donc petit à petit, il y a ce réseau et c'est agrandi, et vous êtes mis sur Carpentras. Alors oui, alors je vais prendre la parole. Vas-y. Après, je la donnerai à Céline parce que c'est très intéressant que Pauline et Céline expliquent pourquoi elles sont venues. Écoutez, on va faire une petite pause. C'est parfait. Et après. On reprend sur ce sujet qui nous intéresse beaucoup. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Comment l'amour dégénère, mutil en drame ordinaire. Question millénaire qui s'impose à moi désormais. J'ai pas de réponse, pas de repère. Je voudrais juste me foutre en l'air. Quand tu fais valoir qu'hier on était bon qu'à s'embrouiller. Mais sais-tu combien j'ai aimé et combien je regrette. Mon cœur à l'éloge et chauffour était hors compète. Sébastien, pour te plaire, j'ai pris tes flèches en plein cœur. L'amour n'est qu'une meurtrière. J'étais dans l'axe à bonne hauteur. Comme un chien, sa vie de misère. Je traîne ma disgrâce, ma douleur. Tu peux faire valoir qu'hier on se disputait à toute heure. Mais sais-tu combien j'ai aimé et combien je regrette. Mon cœur a chauffour était hors compète. Nul auteur m'attend sous les mains. L'amour à perpète, je veux le prendre à mes côtés. Mmh. tes côtés. L'amour à perpète. Voilà, revenu sur Fly FM avec ces dames, ces trois drôles de dames, plus nous deux, ça fait... Oh, on a deux messieurs, là, et ils n'ont pas le dessus hein, du panier, comment on dit le... Ouais. C'est ça, bon, on les domine. Ah, ils ne sont pas convaincus. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours une femme derrière un homme. C'est vrai. Alors, tant qu'il n'y en a pas deux, c'est bon. Sinon, c'est pas moral. Bon, on continue. Donc, ce réseau a été créé il y a 3 ans. Je crois qu'on rit, là, on est en train de rire. Il y a 3 ans, par 4 personnes qui étaient motivées par la rencontre, l'échange, l'aide, l'entraide quand même. Parce que moralement, je pense que ça doit aider de se rencontrer, de dire, moi, j'ai ce problème. Qu'en pensez-vous, Pauline ? Hors contexte de travail, effectivement, Jeannette l'expliquera mieux puisqu'elle est fondatrice, initiatrice du regroupement en 2013. Jeannette, oui. C'est quoi qui t'a motivée pour faire ce regroupement ? Alors, la première motivation, c'est la relation humaine. Quand on se crée, quand on est chef d'entreprise, on prend des responsabilités en permanence, on doit faire des choix en permanence, on n'a pas forcément l'information, même si la technologie aujourd'hui nous permet d'avancer, mais on se noie dans l'information. Et trop d'informations tue l'information, oui, je ne la prends en personne. Mmh. Et donc voilà, et à un moment donné, il y a l'information, il y a ce qu'on lit, il y a ce qu'on dit, mais il y a ce qu'on vit. Et ça, au jour le jour. Oui, ouais. Il y a ce qu'on vit au jour le jour, mais les échanges d'expériences. Ouais. Parce que des fois, on se sent seul, peut-être. Ah oui. On se sent seul. Ouais. Il y a aussi le partage des anciens. Et ça, pour moi, c'est très important. Le partage des anciens, le respect des anciens, même si on évolue, c'est toujours important de les écouter, de les entendre. Ils le font avec plaisir aussi d'échanger avec nous. Et donc, ce réseau s'est créé comme ça, par un besoin au départ. Après, on est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Le réseau se met en place. On le structure, on nous dit, ah ben c'est sympa ce que vous faites, vous buvez un verre, vous discutez franchement de ce que vous vivez. Je dis, ben oui, on se cache de rien, on est des humains avant tout, on est là pour gagner son pain. Et voilà, moi je rencontre telle difficulté. Et puis ça se crée comme ça, et puis on a mis en place le réseau. Et voilà, donc les gens viennent volontiers à discuter. Et là, vous êtes à peu près combien qui alors, le but du réseau, c'est d'échanger, comme je dis, j'insiste énormément là-dessus. Le but, c'est pas de faire du chiffre à chaque soirée. Non, non, non. Donc on peut être 5, 10, 15, 20, 30. Maintenant, aujourd'hui, on a une moyenne d'une vingtaine de personnes par soirée qui organisent. Oui. Et Pauline est arrivée, Céline est arrivée là-dessus aussi, petit à petit. C'est un réseau qui se construit avec ce qu'on est. Je voudrais leur poser une question à Pauline et Céline. Comment ont-elles connu ce réseau ? Alors ce réseau, j'ai été reçue par une pépinière d'entreprise, le RIL à Carpentras. Donc, j'y réside depuis 2015, pardon. Depuis que vous avez créé votre entreprise. Depuis que j'ai créé mon entreprise. Et j'ai connu Jeannette, qui fait partie de ce... Réseau. De ce même réseau, oui, de RIL. Oui, c'est un réseau aussi. Et on se connaît personnellement, on a fait du sport ensemble, du handball. Donc, elle m'a parlé de ce regroupement. Et c'est moi qui sortais d'une grosse entreprise avec plein de gens autour de moi. Et je me retrouve chef d'entreprise avec uniquement mon associé toute seule. Oui. Ça permettait de rencontrer plein d'entrepreneurs, de vivre la même... d'échanger l'expérience qui est quand même assez difficile de créer son entreprise en France. On n'en doute pas. Dire. Et si on est une femme, est-ce que c'est plus difficile ? C'est plus difficile, je trouve. Ben, c'est peut-être que les ressentis sont différents de chacune. Ouais. Qu'en pensez-vous ? Personnellement, c'est Céline qui est vigneronne. Oui, moi, j'ai peut-être un handicap de plus. Ah bon ? Parce que c'est un milieu d'hommes. C'est mon secteur d'activité. Oui, c'est un monde d'hommes. Les femmes sont quand même assez peu représentées. Mais ça commence à changer. On a besoin d'être assez physique et on a besoin du coup de trouver une légitimité par rapport à... Mais ça change, non ? C'est en train de changer change, quand même. Ça évolue, évidemment, dans le bon sens. Oui, oui. Donc c'est quand même un monde d'hommes encore. Là. Oui, ouais. Oui, mais bon, comme beaucoup de secteurs finalement. Moi, avant d'être vigneronne, je travaillais dans le secteur de la chimie. Et bon, c'est pareil, c'était compliqué. C'était un monde très, très macho, l'industrie chimique. Comment vous avez fait ce grand écart de la chimie. On va partir loin de vous nous raconterez votre vie, ce sera intéressant. Ah, je crois qu'on fait une petite pause et on continue. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Fly FM. Entrepreneur. Céline, je crois qu'on vous a quitté tout à l'heure, donc effectivement, vous êtes passé de la chimie à la vigne. À la vigne, oui, tout à fait. Et j'aimerais savoir pourquoi vous êtes rentrée dans ce réseau. En fait, donc, j'en ai entendu parler déjà par bouche à oreille, tout simplement, d'autres entrepreneurs qui y participaient. Et moi, j'ai participé à plusieurs types de réseaux, mais ce qui m'a attirée dans celui-ci, donc dans les apéros entrepreneurs du groupe de Carpentras, c'est le côté informel. C'est-à-dire on y va sans obligation, sans contrainte. On rencontre des gens qui, comme nous, sont entrepreneurs et qui, quelque part, ont les mêmes problématiques que nous, même si ce n'est pas forcément dans les mêmes activités. Et ça permet tout simplement de rompre l'isolement, parce que quand même, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont seuls dans leur entreprise et qui ont besoin de parler de tout ça avec d'autres gens qui peuvent les comprendre parce qu'ils ont les mêmes problématiques. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit, j'ai passé plusieurs repas avec une personne et elle ne m'a jamais parlé de son entreprise. Je ne savais même pas de quelle entreprise, quelle entreprise elle avait créée. Donc, vous pouvez parler d'autres choses dans ces repas. On parle au départ surtout d'autres choses, de l'humain. De se rencontrer et de passer un bon moment détendu où on oublie le stress de nos journées. Bien sûr. Et puis, vous sentez les mêmes problématiques, les mêmes soucis. Et après, forcément, on parle de nos vies, on en vient à parler de nos entreprises et puis on peut s'entraider sur différents sujets, parce que moi je suis vigneronne, mais en fait j'ai plein de problématiques qui n'ont rien à voir avec la vigne, comme par exemple communiquer sur mon Facebook, et là quand j'en discute avec Pauline, elle me donne des petits conseils comme ça à titre amical. Puis elle a un regard extérieur peut-être aussi. Ça aide beaucoup, bien sûr. Et moi je voulais vous dire, combien en moyenne vous avez de gens quand vous faites vos repas du premier jeudi Entre 15 et 20. Entre 15 et 20, 15 et 20. Sachant que pour les 3 ans, exceptionnellement, et à mon grand regret, on a dû limiter parce qu'on était plus d'une cinquantaine de personnes. C'est pas facile, et le restaurateur ne peut pas suivre. Cinquantaine de entrepreneurs. Entrepreneurs qui sont venus. On a eu aussi le maire de Carpentras, Francis Adolphe, qui nous a fait le plaisir de venir. Et ce qui nous tient à cœur aussi beaucoup, c'est que j'en ai assez qu'on dise que les entrepreneurs ne fassent rien, ils ne se bougent pas. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai du tout. Je pense que c'est pas facile. Démène, hein, oui. On se démène, on fait l'effort de rencontrer, on se contente pas de notre comptable ou de notre avocat. Non, non, on veut se rencontrer humainement entre nous, on veut bouger, on veut qu'il y ait une action au sein de Carpentras, c'est dynamique. Le bassin carpentracien bouge, donc j'espère que Francis Adolphe nous entend. On a besoin d'un quartier d'affaires digne de ce nom parce qu'il y a des gens qui bossent, il y a des hommes, il y a des femmes, et on veut être ensemble. Oui, je crois que c'est vrai. Monteux, c'est pareil, c'est dynamique. Il ne faut pas croire que ça bouge pas, hein, c'est exact. Alors, donc votre premier, donc vous avez créé, du fait que ça existait déjà mondialement, ce réseau. Et votre premier but, quand même, on va le redire, c'est l'humain. C'est l'humain, mais on l'a personnalisé. C'est-à-dire que, par exemple, sur Avignon, et je m'en salue à Ludwig, qui est l'organisateur d'Avignon, voilà, nous, on a choisi que ce ne soit pas toujours le même endroit. C'est bien. C'est dans notre esprit d'entrepreneur. Pourquoi ? Mais parce que, tout simplement, rester dans un cycle toujours identique, c'est chronophage, c'est pas intéressant, c'est pas dynamique. Là, le fait de choisir un endroit différent à chaque fois, ça nous permet aussi de se remettre en question, de pas rentrer dans des habitudes, aussi bien sur le lieu que humain. Donc on est obligé à chaque fois d'aller vers l'autre, rencontrer un nouveau restaurateur ou pas. Donc ça, c'est intéressant, voilà, de pas figer l'événement. Est-ce que vos restaurateurs font partie du réseau ou non ? Qu'est-ce que vous appelez faire partir du réseau ? Est-ce qu'ils sont en partie prenante ? On est tous entrepreneurs. Ouais, d'accord. Donc, n'importe qui, moi je veux venir vous voir. Et est-ce qu'il faut vous contacter ? Oui, je parle via la page Facebook. Ah, alors, il faudrait que... Oui, vous l'avez, dit, mais on va le redire. Oui, on va le dire, parce que moi, par exemple, oui, ça t'intéresse. Je suis entrepreneur, ou je veux me mettre entrepreneur, j'ai besoin de soutien, je me sens un peu seule. Comment je fais pour vous contacter si j'ai envie de vous rencontrer ? Et quelles sont les manifestations, si vous en avez, dans l'avenir ? Vous nous contactez via la page Facebook Apéro Entrepreneur Carpentras. Vous nous laissez un petit message avec votre email et vous êtes inscrit dans notre fichier. Et tous les mois, vous recevez l'invitation, donc que vous acceptez ou pas, hein, libre choix. Et vous avez l'information sur le lieu et la date précisément. Est-ce qu'il faut qu'ils disent on vient pas ou on vient ? Non, pas du tout. C'est que si on vient, Vous le dites. En fait, vous recevez un lien Doodle et c'est ce lien Doodle qui fait office d'inscription finale et valide. Parce que pour le restaurant ou pour les entrevues, pense qu'il faut quand même donner une date butoir pour lui toujours. Dans l'esprit, parce que dans l'esprit de l'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise, personnellement, j'ai horreur de l'assistanat. Alors, pourquoi sinon, je dis vous ne seriez pas entrepreneuse. Non, exactement. Non, mais vous savez, il y a des entrepreneurs qui aiment bien être assistés. Ce n'est pas du tout dans ma philosophie. Absolument pas. Et en tant qu'éducateur sportif, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Donc, c'est pour ça que dans l'esprit de l'auto-entrepreneur, ce n'est pas nous qui l'organisons systématiquement. C'est uniquement à la volonté d'un entrepreneur qui dit, ben voilà, je connais un restaurant sympathique à Monteux, un gars qui vient de se créer, ben pourquoi pas aller manger chez lui. D'accord. Et j'ai dit, ben écoutez, ben c'est super, vous le proposez, on vous donne des informations qui vont vous permettre de mettre en place cette organisation et on vous accompagne. C'est pour ça qu'on est quatre administratives. Alors on est là pour chapeauter l'organisateur du mois, en fait. On l'accompagne. D'accord. C'est pas tout en nous qui l'organisons. On va faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Suite au prochain épisode. C'est ça. Acteur. C'est pas, voilà, nous on est là. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Karma, karma. Come and do your part. Karma, karma. Cause you broke my heart. And even though you're such a bitch, I need you now. Karma, karma. Don't you let me down, don't you let me down. I did not see her do it. One look and I knew it. Got me feeling stupid. Now I need a little help. I won't make it by myself. Anger told me that I couldn't get no sleep. And I don't think I wanna talk to jealousy. So karma, karma, 89 Fly FM avec nos trois drôles de dames, apéro entrepreneur. Je crois que vous avez des organisations futures, toutes les trois qui sont prévues. Oui, Jeannette. Dans le cadre ou Pauline ou Céline qui parle pas beaucoup. Oh, elle a parlé, Céline. Céline, mais j'explique vas-y, comment ça allez, organise. Céline. Allez, dis-moi, Céline. Excuse-moi, Jeannette. Bon, déjà, il faut bien rappeler que c'est tous les premiers jeudis du mois, que c'est à chaque fois dans un lieu différent et qu'on préfère que ce soit organisé à tour de rôle par différents participants. Alors évidemment, nous trois, on est là pour les soutenir et pour les aider à organiser cette première soirée. On les laisse pas... Avec Agnès. Avec Agnès, exactement. Et Pauline. Et donc voilà, mais c'est bien que chacun à son tour organise une soirée parce que ça permet de rentrer un petit peu plus dans le réseau et de faire plus connaissance avec les participants au réseau, et etc. Parce qu'il faut dire que votre réseau est ouvert à tout le monde. Ça, alors ça c'est va ouvert de, à tout le monde. De l'avocat à... Hommes et femmes, ah, déjà. Voilà. Oui, hommes et femmes. Soulignons-le, parce qu'il y avait quelqu'un qui se posait une question. Dire, mais c'est des entrepreneuses, il n'y a pas d'entrepreneurs à Carpentras. Ah, si, si, si, il si, y, si, y en a, et on les accueille avec plaisir. peu importe y a la parité, l'activité. Il y a la parité. À la oui, parité, il faudra bien qu'on calcule, mais je pense que... On n'est pas loin, je pense. On doit être ah, bon. Ah, c'est bien. Et tout âge. Ouais, ça c'est bien tout aussi. Âge. Ouais. Ah, oui. C'est un et bon tout mélange. Secteur d'activité, voilà. Évidemment. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, secteur d'activité, Céline ? Ben, on a des avocats, des jardiniers, des paysagistes, musiciens, oui, exact. Des infographistes, des ingénieurs, des informaticiens. Des photographes. Vous avez tout là, pas non plus. C'est génial. Des gens qui s'occupent de bien-être, je crois. Oui, aussi. Des assureurs, exact. Le panel est large. Hein. On a un agent immobilier aussi. Ah. Des agents immobiliers. Des agents immobiliers, excuse-moi. Et vous avez du médical ? Du médical ? Non, parce que on a Pierre. Oui, on a des psychologues, cliniciens. D'accord. Non, Pierre sophrologue. Sophrologue aussi. Pierre est infirmier. Voilà, vous avez vraiment... On est trop nombreux, on n'arrive pas à... Donc, non, mais c'est super intéressant. En tout, ça touche combien de personnes exactement ? Oui, on est 150. Ah, 150, voilà. 150 et ça va, ça vient. Voilà, c'est un roulement. Voilà, c'est, y a ça se rencontre. Voilà, c'est super. C'est et le but profond de la chose, est-ce que c'est l'humain, le business, l'échange, le partage, j'allais dire l'épaulement, non, l'aide morale, l'entraide. Physique. Mmh. C'est tout ça. Vous avez tout dit. Voilà. Oui, c'est tout. Vous n'avez plus rien à dire. C'est je parfait. Coupé, on revient sur Céline, la pauvre Céline, elle était en train de nous dire que... Allez-y, Céline, oui, les repas. Et puis vous avez en plus autre chose, je suppose, en plus de ces repas tous les jeudis. Vous n'avez pas quelque chose de prévu ? En juillet ? En juillet, alors on dit les filles. Le fait qu'on soit chef d'entreprise, on a tous aussi notre propre réseau, on ne vient pas comme ça tout seul sans rien. Ouais. Donc on le partage aussi. Il y a un événement qui est extraordinaire, c'est la 4e édition, pour laquelle je fais partie aussi de l'organisation. C'est la soirée interréseau qui est épaulée par le RIL, qui est la pépinière d'entreprise de Carpentras, qui fait un travail extraordinaire. Et donc, on sera à peu près entre 150 et 200 personnes. Ah. Et ça se passera à Carpentras. Et le RIL, c'est le quoi mardi exactement 11 juillet. Ah, pardon. Mardi 11 juillet, à quelle heure ? Toute la journée ? 19h30, non, c'est le soir. C'est le soir. Après le travail. Et où, exactement ? À la maison des associations à Carpentras. D'accord. Et le RIL, vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est une pépinière ? Le RIL est une pépinière d'entreprise qui a fêté récemment, le jeudi 3 novembre 2016, ses 20 ans. Ah, oui. Oui. Donc, c'est une pépinière qui fait un travail extraordinaire. Je remercie toute l'équipe. Jocelyne Caipot, qui en est la directrice, Benjamin Roquia, qui est un élément aussi moteur de cette pépinière d'entreprise, avec toute l'équipe, Julie Alice, Lydie Martinez. Et dont je suis résidente avec mon associé, on y est. Je crois qu'il y a 5 bureaux, non, c'est ça ? Il y en a 8 bureaux. Ça permet aux gens de s'installer, pas s'installer. Banana, c'est ça ? Pendant 4 ans. Et Pauline, on a une expérience extraordinaire, parce que ça fait 2 ans. Oui, elle y est, là. Ça fait un an et demi que nous y sommes avec mon associé. Donc non seulement on est résident et on a le soutien de cette équipe formidable pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est vraiment de l'aide aux créateurs d'entreprise et au développement. Et ils nous soutiennent par des rendez-vous mensuels. Il y a un suivi, un accompagnement pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prochain rendez-vous du mois prochain ? Céline va le lancer. Allez, Céline. Premier rendez-vous, prochain rendez-vous, où c'est ? Et comment il faut faire pour faire partie de votre réseau ? Donc le prochain rendez-vous, c'est le premier jeudi d'avril, le 6 avril. Le lieu n'est pas encore défini, puisque la soirée n'est pas encore organisée. Donc c'est un entrepreneur du réseau qui l'organisera et qui préviendra les membres du réseau du lieu, de l'heure et du Doodle pour s'inscrire. Et pour vous contacter ? Facebook. Voilà, votre Facebook. Voilà. Moi, je l'ai trouvé facilement. C'est Apéro très facile. Entrepreneur, voilà. Carpentras. Voilà. Qui a été créé par Pauline. Voilà, par Pauline. Ça permet aussi de communiquer plus facilement. Voilà, on relaye l'information. Écoutez, on vous remercie. Merci à vous de nous avoir accueillis. On vous garde, vous restez encore une demi-heure. Vous restez, vous restez, c'est comme vous voulez. Ou alors, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est votre choix. Il faut couper, Gilles nous dit à tout à l'heure. Merci à vous. Au revoir. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Elle voudrait du soleil, des étoiles, des étincelles, un ciel aussi bleu, un azur absolu, éternel, un havre de paix, qu'il n'y en ait pas de pareil. Elle voudrait au final qu'on s'y retrouve, qu'on s'y réveille, qu'on puisse tout à coup décider de déranger, de décorer, ou de lâcher dans la nature nos armes et nos couvertures. Elle voudrait de la musique pour réchauffer vos oreilles. Elle voudrait de la magie pour que tout le monde s'émerveille. Elle voudrait cette opportunité. Elle voudrait pouvoir en profiter. Elle voudrait en être persuadée. Elle voudrait sans que ça soit cher. Elle voudrait du soleil, des étoiles, des étincelles, un ciel dégagé de tous ces nuages habituels, pour qu'elle puisse enfin décider de ce qui pourrait lui arriver, sans qu'elle n'ait plus à se méfier des orages et des retombées. Elle voudrait qu'on puisse revoir autant de lueurs que d'espoir autour de nous, derrière ces murs. Il y a peut-être dans le futur un peu d'air pur et de chaleur à chaque minute, à chaque heure, bien que l'amour et le bonheur à chaque coin de rue dans nos cœurs. Elle voudrait cette opportunité. Elle voudrait pouvoir en profiter. Elle voudrait en être persuadée. Elle voudrait sans que ça soit cher pour lui. Mais quelque chose lui dit qu'il y a un malaise. Peut-être qu'elle se fabrique une utopie. Dans sa tête, elle voit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Elle imagine le monde qui va avec. Et elle voulait que ça existe. Oui, elle voulait que ça existe. Un peu quand même, sans que ça puisse être stupide. Sans que ça puisse être inutile. Sans que ça puisse être futile. Sans que ça puisse être impossible. Sans que ça puisse être stupide. Sans que ça puisse être inutile. Sans que ça puisse être futile. Sans que ça puisse être impossible. Elle voudrait cette opportunité. Elle voudrait. Revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idées. Aujourd'hui, nous avons reçu les jeunes femmes de Apéro Entrepreneur, à boire avec modération, on peut le dire. Et Alain va nous parler d'un livre. C'est sa chronique littéraire. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un roman policier autrichien. C'est ça change un peu. Hein. Alors, Vengeance de Bernard Eschner. Je suis en train de le lire. Oh, c'est bizarre. Je suis en train de le lire. Ah, ben, on aura deux avis. Ah. Alors. Sympa. Ça commence comme ça. On voit tout d'en haut. La mer, le voilier, sa peau, une femme nue sur le pont, le soleil brille, tout va bien. Elle ne voudrait être nulle part ailleurs. Elle va rester allongée encore 3 heures, s'étirer, se prélasser, absorber l'été en elle. 3 heures ou 4. Jusqu'à ce qu'ils coulent enfin tous les deux. Ce qu'ils arrêtent de crier, d'éclabousser le pont, jusqu'à ce qu'ils soient enfin silencieux pour toujours. Merci. Alors, à 24 ans, Brune Hildblum, qui déteste ses parents adoptifs et le prénom dont ils l'ont affublé, a décidé qu'il était temps pour eux de mourir. Dès l'âge de 7 ans, les parents, entrepreneurs de pompes funèbres, l'obligeaient à nettoyer les morts pour les rendre plus présentables. Ne fais donc pas ta chochote, Brunhilde. Ils ne vont pas te mordre. Ne sois pas une telle fifille. Serre les dents et arrête de pleurer. Si tu ne t'es pas et si tu ne fais pas ce que je te dis, tu iras dans le cercueil. Tu as compris, Brunhilde? Et oui, si elle rechignait, sa punition consistait à être enfermée dans un cercueil jusqu'à ce qu'elle supplie et promette de travailler. Profitant donc des vacances sur le bateau familial, elle passe à l'acte en retirant l'échelle de coupée et en les laissant se noyer. Ah oui, oui, moi je suis. Plus tard, elle mène à Innsbruck une vie de famille heureuse avec Marc, le policier qui était intervenu lors du fâcheux accident de ses parents. Quand celui-ci meurt dans un accident de la route suspect, Bloom décide de poursuivre l'enquête qu'il menait sur 5 hommes ayant enlevé, violé et torturé des migrantes moldaves. Ces hommes seraient-ils liés à la mort de Marc ? Bloom est bien décidé à le venger, à se venger. Alors l'héroïne est amorale, elle est prête à tout pour parvenir à ses fins, mais on lui pardonne et le suspense est habilement mené jusqu'à la dernière page. C'est le premier d'une trilogie qui s'appelle Totenfrau, donc la meurtrière. Le deuxième vient de sortir, la maison de l'assassin. Et le troisième, Totenrausch, donc on peut traduire par frénésie meurtrière, est sorti ces derniers jours en Autriche et n'est pas encore traduit en français. Est-ce que l'héroïne, c'est toujours la même ? C'est toujours la même, ah. Oui. Moi, je suis en plein au début, là. Oui. Oh, c'est prenant, hein ? Dans la maison de l'assassin, elle découvre qu'elle a une sœur jumelle, etc. C'est assez terrible. Oui. Très prenant, j'ai l'impression. Ah, oui. J'en suis en plein milieu. Tu nous présentes un film ? J'ai le temps, Claudie ? Oui. De plus belle. Bon, mais alors, écoutez, pas panaché de films, je n'avais pas vraiment trop... J'ai pris celui-là, puis finalement, ça tombe bien, mais la journée de la femme, puisque c'est un film sur une femme qui est jouée par Florence Foresti, avec Mathieu Kassovitz et Nicole Garcia. C'est une comédie dramatique et française. Lucie, elle est guérie. Lucie, elle était malade. Elle a eu malheureusement un cancer. Et c'est un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l'avant, de vivre, de voir du monde. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis. Charmant, charmeur aussi, ce monsieur est terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, le prof de danse, haute en couleur, elle va apprendre à s'aimer, à aimer, et enfin devenir une femme qu'elle n'était plus peut-être, et pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis. C'est un thème fort, traité au cinéma et amené par une Florence Foresti touchante. Ah oui, j'ai vu le lancement, oui. Pour un rôle inhabituel, puisqu'en général, elle aime plutôt faire rire, sans farni paillettes, et voilà. Donc, avec de la justesse et un capital empathique. Ça a l'air très bien. Je l'ai vu, je crois, chez Drucker. Et je dirais, puisque c'est la journée de la femme, il faut dire que ça peut toucher malheureusement le cancer beaucoup de femmes. Mais il faut, si on s'en sort et si on peut s'en sortir, c'est très bien. Ouais. Et donner une leçon de vie aux autres. Voilà, en se faisant confiance à nouveau, en s'aimant et en se laissant aimer. Ce qui ne doit pas être très facile. Oui, parce que des fois, malheureusement, le corps, il bouge là-dessus. Bon, on va faire une petite pause et après, on continue avec la journée de la femme. Allez. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Je veux du bonheur. Je veux de la joie. Qu'on m'éclate le cœur. Alléluia. Prends ma main, je t'emmène. Je connais le chemin. Il se monte sans peine et sans chagrin. Ouais, dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud. Yeah. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud. On fera la peau à l'hiver. Oh non. Des milliers de cœurs résonnent au fond de moi. Peut-être un peu voleur pour ne pas être proie. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. sans le temps tenter. Souris à la vie comme si elle te souriait. Oui, vas-y, danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Je veux voir mes parents longtemps, pourquoi pas leur parler encore mille ans. Je veux voir pousser les fleurs et mes enfants croiser l'amour à tous les carrefours. Me baigner dans des rivières de prière, ouais, être béni des grands. Je veux de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, ouais. Je veux du bonheur. Bonjour Fly FM 89.9, ça y est, nos trois dames sont parties et Claudie, on continue l'émission et je crois que tu dois nous parler de Barbara. Voilà, c'est un hommage à Barbara, comme c'est la journée de la femme, on continue. Ça s'appelle Barbara ou Rêve mes saisons, c'est un spectacle musical, c'est le vendredi 10 mars à 20h30, c'est à la salle du Moulin Saint-Pierre au Taillade, c'est vers Cavaillon. C'est un spectacle qui a rencontré un succès certain au Festival d'Avignon et qui continue à enchanter le public. Alors la chanteuse, elle s'appelle Agnès Raveau. Elle est au chant et elle est accompagnée par le pianiste Guillaume Giraud. Voilà, c'est le théâtre de Bagatelle qui propose un vibrant hommage à Barbara. Je pense que c'est vraiment une grande dame. Hein. Ce spectacle fait le pari de la chanson et du théâtre. Il ne s'agit ni d'une rétrospective, ni d'un simple hommage, ni d'une copie de ce que fut la grande chanteuse. Je pense que cette dame met sa personnalité au milieu aussi. Il s'agit de s'imprégner de son univers pour en créer un nouveau. Voilà, c'est un spectacle coloré et vivant où l'on passe du rire aux larmes. Voilà, vous pouvez réserver vos places. Bon, je dis quand même le numéro au 06 30 79 44 75. 06 30 79 44 75. C'est à la salle du Moulin Saint-Pierre au Taillade. Voilà, le tarif 10 euros, c'est raisonnable. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Oui. Quand je te parle, je te donne le titre, je te donne de. Tu connais de je Goldman te donne. Oui, voilà, ouais. Avec bon, mais le chanteur guitariste à l'époque, c'est le co-auteur qui s'appelle Michael Jones. Ah, et oui. Michael Jones se produit à Sorgue. À l'auditorium alors ça y est, tu me poses. Ah. Non. Ah, à la salle, non, à la salle des fêtes. Voilà. Mal, ouais. Il se produit à Sorgue pour un bon tarif entre 15 et 16 euros, 80. Et le 18 mars, c'est pour les Concerts de l'Espoir, l'association fraîchement basée qui est à Sorgue, qui s'active pour apporter des fonds pour la mucoviscidose. Donc si vous voulez réserver, parce qu'on attend pas mal de monde, je crois environ 1000 personnes, si ça marche bien. Donc voir Michael Jones, oui, vous allez sur, je pense, sur le site de Sorgue, vous trouverez le téléphone pour réserver, voilà, salle des fêtes. Et voilà, c'est samedi 18 mars. D'accord, mais moi je. Concert de l'Espoir. D'accord, je continue sur les femmes. Donc c'est une peintre qui s'appelle Françoise Petrovitch. C'est à Lille-sur-la-Sorgue, au musée Campredon. C'est au centre d'art, à Lille-sur-la-Sorgue, comme je viens de vous le dire. Une exposition lui est consacrée. C'est une femme qui a façonné depuis les années 90 une œuvre singulière et forte à travers différents médias. Cette exposition s'organise autour d'une scénographie imaginée par l'artiste et ajuste. Donc son esprit au lieu, le songe, le secret, l'ambivalence, thème récurrent chez Françoise Petrovitch, sont au cœur de ses variations nocturnes. Donc c'est au musée Campredon. C'est une exposition qui dure plusieurs jours. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve. Fly FM. Fly FM, le meilleur des hits des années 80 à aujourd'hui. Millénaire qui s'impose à moi désormais. J'ai pas de réponse, pas de repère. Je voudrais juste me foutre en l'air. Quand tu fais valoir qu'hier on était bon qu'à s'embrouiller, mais sais-tu combien j'ai aimé et combien je regrette. Querelle et nos échauffourées étaient rien pour te plaire. J'ai pris tes flèches en plein cœur. L'amour n'est qu'une meurtrière. J'étais dans l'axe à bonne hauteur, comme un chien sa vie de misère. Je traîne ma disgrâce, ma douleur. Tu peux faire valoir qu'hier on se disputait à toute heure. Mais sais-tu combien j'ai aimé et combien je regrette? Au cœur à nos échauffes. Voilà, revenu sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idées. Et là, je voudrais vous parler d'une sortie surmonteuse. C'est vendredi à 20h30 dans le cadre Soif de Culture. C'est un spectacle musical alternant jazz et classique. C'est joué par les élèves de l'école de musique de Monteux. Et ça se passe à la chapelle des Pénitents Noirs. Et l'entrée est libre. Et c'est à quelle heure, Claudie? C'est à 20h30. 20h30. Voilà, vendredi. Moi, je crois que je vais y aller. Et si tu veux, ben, après vendredi, on peut aller samedi 10 et dimanche 11, voire à Aubignan. C'est l'association Fête Art, en partenariat avec la municipalité, qui organise deux pièces de théâtre, un week-end comédie à la salle polyvalente, avec vendredi soir, La guerre des sexes aura-t-elle lieu? C'est une comédie sur les joies de vivre à deux, qui parle d'amour et de sexe avec originalité et tendresse. Et samedi 11 mars, c'était Marseille. Et là, ça dénonce le scandaleux pillage du patrimoine marseillais avec un peu de mauvaise foi et beaucoup de bonne humeur. C'est ce qui touche à peu près les Marseillais, on va dire. C'est à 10 euros l'entrée. On réserve sur... je vais peut-être donner quand même le téléphone. Oui, vas-y. 04 90 62 65 36. Je pense que c'est le téléphone de l'Office du tourisme voilà, d'Avignon. Oui. Et à billetsreduc.com. Et il y aura un verre qui sera partagé à la fin de la soirée. Ah ben écoute, voilà. Le même jour, samedi 11, au Break, en partenariat avec notre radio, c'est la finale du concours de chant. Ça a lieu à 21h, donc vous pouvez y aller à partir de 21h, vous pouvez retenir pour manger. Et à partir de 22h30, c'est scène ouverte avec notre ami Francesco, animateur sur notre radio, qui fait l'émission Music Skill. Voilà, c'est samedi 11, vous pouvez aller manger. Ou alors vous y allez à 21h pour voir la fin du concours, la finale. Eh bien, de toute façon, je crois qu'on y va, Claudie. Oui, oui, oui, on y va. On va pas chanter, mais on va manger. Il vaut mieux qu'on chante de pain, non? Et on cherche... Alain, vous voulez pas venir, là, les deux garçons? Bon, je crois que tu as encore quelque chose. Non, juste une petite... Vous avez à Lille, sur la Sorgue, un loto qui est parrainé par Christian Etienne, maître cuisinier de France, au profit de l'association Eva pour la vie. Eva pour la vie, vous avez le site qui est www.evapourlavie.com. C'est la lutte contre le cancer des enfants. Il y a pour 6000 euros de lot à gagner. Il y a une buvette restauration sur place et c'est à la salle des fêtes le dimanche 12 mars à 14h30 avec ouverture 13h30 des portes. D'accord, mais c'est quand même important pour lutter contre le cancer des enfants. Voilà, c'est tellement injuste. Bon, on se fait une petite pause. À tout à l'heure. Oui. Journée de lumière, ne reste que des ombres. Revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et moi, je vais vous amener faire la visite du site Aucrier de Gargas. Je suis jamais allée. Ah, voilà, vous pouvez. Hein, c'est très bien. Voilà, vous pouvez y aller le casque sur la tête. Voilà, vous voilà paré pour une descente sous terre. Vous marcherez dans de longues galeries souterraines sur environ 650 mètres, parmi quand même les 40 km creusés par les hommes. Ça peut plaire aux enfants, ça. Ouais, ça doit être un peu des paysans. Il y a des parties qui sont inondées. Ah ouais. Mais c'est magnifique, ouais, comme truc. Moi, c'est très très bien guidé, impeccable. Ah, donc vous pourrez voir les bottes. Non. Et tu dis qu'il y a des parties. Non, pas du tout. C'est pas mouillé par terre. Non, les parties inondées, tu n'étais pas obligé de marcher dedans, quoi. D'accord. Et lorsque vous reverrez la lueur du jour après ces 50 mètres passés dans les carrières. À 10 degrés, donc ça doit être stable, hein, la température, ouais, je suppose. Hein. Je crois que j'y suis allée, mais il faut prendre quelque chose de chaud. Hein, oui, parce que la température... C'est comme dans les grottes. Hein, comme dans c'est les comme grottes, quand hein. On va comme en carrière de lumière au Beau-de-Provence. Il faut avoir une laine. Hein, oui, pas parce chaud. Que... Hein. Voilà, vous réaliserez donc l'effort fourni par les mineurs de fond à l'époque. Hein, et vous saurez tout sur les techniques utilisées et l'utilisation de l'ocre. C'est vrai qu'on fait les façades des maisons, puis sûrement autre chose. Hein. Les carrières ont aussi servi à la culture. Mais de quoi ? Ben, le guide vous dévoilera tous les secrets des mines de Bruyux. Les visites commentées ont lieu à heure fixe, variables selon les jours et les mois. En été, certaines visites sont proposées en allemand, ça c'est pour toi. En anglais ou en néerlandais même, ça c'est pour Linda. Il est possible de réserver sur place et de téléphoner horaire de mars à novembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Mais le mieux, c'est de se renseigner. Je crois que j'y suis allée et il me semble que si c'est là, ils ne font pas des visites avec le thème sur l'Halloween, avec des fantômes. Oui, je crois qu'ils le font. Eh bien, c'est bon, ouais, j'y suis allée. Ouais, j'en avais parlé. Et effectivement, ouais. Prévoyez une bonne veste parce qu'il ne fait pas chaud demain. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment faire durer vos bouquets ? Oui. Alors, parce que souvent, les bouquets... Alors, d'abord, il faut laver soigneusement son vase avec de l'eau de Javel parce que, bon, il y a quand même des microbes. Couper les tiges en biseau, retirer les feuilles susceptibles de tremper dans l'eau et de pourrir. Et si changez l'eau régulièrement tous les deux jours et ajoutez un peu de bicarbonate de soude. C'est un ingrédient qui se met à toutes les sauces. Ah oui, ouais. Que ce soit pour la cuisine, pour le ménage. Pour faire briller les verres. Plein de choses. Moi, dans mon lave-vaisselle, dans mon lave-linge, de partout. Et enfin, si elles font grise mine, vous les trempez carrément, vous faites un bain. Dans l'eau un peu ni trop froide ni trop chaude. Et bien sûr, vous évitez les endroits trop chauds, près du radiateur, au soleil, vous les protégez. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de dire la rediffusion ? C'est vendredi. Et je voulais juste rajouter, oui, puisqu'on est dans les fleurs, oui. Il y a le salon du jardin et des maisons du Avignon par des expositions. Route de Marseille, il y a 6000 m², c'est un univers dédié aux constructeurs de maisons, aux concepteurs de jardins, puisqu'on est aux paysagistes, aux piscinistes, aux pépiniéristes, aux décorateurs, aux artisans, comment faire sa cuisine, harmoniser son jardin, planter ses fleurs, quel spa choisir, des conseils. Tout ça, c'est gratuit, c'est du 10 ou 12 mars au salon annuel de la Maison et Jardin au Parc des Expositions Avignon. Voilà, moi je vous dirai que la rediffusion, c'est vendredi 10 mars à 14h. Et nous recevons la semaine prochaine l'association de Monteux, Souffle de Bulle, qui défend la cause des enfants, des enfants malades. Voilà. Très bien. Et elle nous expliquera, la dame charmante, un peu plus ce qu'elles font. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. À toute l'équipe et à tous nos auditeurs, une bonne semaine. Merci. Au revoir. Bonsoir.